drogue, meurtre, fiction. La misère à son esprit, son essence, sa rédemption. Peuple de souffrance, marche à mes côtés. Le 7 bougie en paix. Silence, une conscience du peuple. Bonheur et destiné, j'aime personne. C'est un soldat de l'inconnu. Force, guérison et bien-être, j'ai perçu. Commencer seul, besoin de personne. J'emmerde mes ennemis, mes consciences sont bonnes. Destruction de mon intérieur dans mes mauvaises heures. Je me suis construit dans la guerre, jeune marcheur. À présent la paix, exactement la paix. La véritable, véritable paix intérieure. Le combat de toute une vie en quelques heures. La maison de mon père est une nuit d'illusion. La douleur est un monde sans démon. La réflexion est une vie imaginaire. La maison de mon père est parfaite, mes frères. Sachez que je suis silence, mauvais présage. La perception a touché le sage. Que l'amour et la paix puissent vous guider. Adieu ma destinée. L'amour et la paix pour la conscience du peuple. Bonheur et rédemption pour les sept péchés. La guerre et la violence seront toujours une preuve de bon sens. Dans l'essence, la vie reste secrète. La perception n'est que folie. Le meurtre de longue femme. Pour vous la vérité, vous aidez à oublier le combat de l'éternité. L'amour et la paix pour la conscience du peuple. Bonheur et rédemption pour les sept péchés. La guerre et la violence seront toujours une preuve de bon sens. Dans l'essence, la vie reste secrète. La perception n'est que folie. Le meurtre de longue femme. Pour vous la vérité, vous aidez à oublier le combat de l'éternité. J'ai perdu l'amour et j'aime la guerre. J'aime la violence et la misère. La paix s'évapore lorsqu'on la touche. Je finirai sûrement par vider des cartouches. La sagesse et la bonté m'ont rien apporté. L'enfer humaniste a dévoré la. D'ailleurs, je sais que rien ne change. Pas de famille ni d'enfants. C'est un monde de pétasses qui vivra, verra. La guerre, la douleur et la misère. Un Dieu unique vers une contrée lointaine. Ils se mangeront sûrement par centaines. La foi est une arme pour l'insensé. Le juste délaissé. La bonté a perdu la vérité. Sachez, les idoles sont dégoûtées. Un ange harcelé. La conscience de l'homme est méchanceté. Méchanceté. Laissez pécher. Trouver enfin, enfin la paix. Oh, yo. Changer pour l'éternité. Qui naissent pur et indifférent. L'homme a fait grandir ses enfants. C'est dans l'horreur que naît l'esprit. Dans l'horreur et la guerre que l'on grandit. Alors au plus haut j'ai tiré deux mots, amour et paix. Que silence retrouve la paix intérieure. Je regrette au fil de mes erreurs. Il s'est construit un petit paradis comme il est écrit. Comme il est écrit, une bonté, bonté et puis, et puis, et puis. L'amour et la paix pour la conscience du peuple. Bonheur et rédemption pour les sept péchés. La guerre et la violence seront toujours une preuve de bon sens. Dans l'essence, la vie reste secrète. La perception n'est que folie. Le meurtre de longue femme. Pour vous la vérité, vous aidez à oublier le combat de l'éternité. L'amour et la paix pour la conscience du peuple. Bonheur et rédemption pour les sept péchés. La guerre et la violence seront toujours une preuve de bon sens. Dans l'essence, la vie est restée secrète. La perception n'est que folie. Le meurtre de longue femme. Pour vous la vérité, vous aidez à oublier le combat de l'éternité. Pour vous la vérité, vous aidez à oublier le combat de l'éternité. L'amour et la paix pour la conscience du peuple. Bonheur et rédemption pour les sept péchés. Les sept péchés. La guerre, yo. La guerre, yo. La guerre et la violence seront toujours une putain de preuve de bon sens. Yo, de bon sens. Oh, yo. Silence, silence, silence. Mauvais présage, yo. Oh, yo. Amour, yo. Amour et paix, oh.